par milliers. C'est des cotillons. Bonne année et bonne santé. Ça vous empêchera pas de payer. Fermez vos porte-monnaie. Champagne quadrant.